MMA, la vie en direct, interruption spéciale. En direct de l'hôpital, Benoît. Oui, Ludivine, à mes côtés, Olivier, un père de famille très sportif, l'accident bête. Ah, c'est terrible. Est-ce qu'il pense à sa famille dans ce genre de situation? Oui, MMA a inventé MMA Pérennité Premium pour l'accompagner au quotidien, assurer sa santé et protéger financièrement sa famille quand il lui arrive quelque chose. Oui, bon bah ça va, envoyez la pub. MMA. Conditions et coordonnées de l'assureur en agence MMA. Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, récit d'une expédition mythique, Everest 78, où la France à l'assaut du plus haut sommet du monde. Le 15 octobre 1978, au terme d'une aventure humaine et technique extraordinaire, l'alpiniste Pierre Mazeaud plante le drapeau bleu-blanc-rouge au sommet de l'Everest à 8848 mètres d'altitude. 28 ans après la victoire de l'équipe emmenée par Maurice Herzog sur l'Annapurna, la France brille de nouveau en montagne. Certes, les Français ne sont pas les premiers à marcher sur le toit du monde. Avant eux, de nombreuses nations ont déjà inscrit leur nom au palmarès. Il n'en reste pas moins que Mazeaud et ses 14 compagnons d'aventure ont bel et bien réalisé cette année-là un exploit. Car pendant leurs 66 jours d'efforts, de souffrance et d'abnégation, les alpinistes vont partager leur ascension en direct à la radio. Grâce à un incroyable dispositif mis en place par France Inter, les auditeurs vont vivre, oui, au jour le jour, minute par minute quasiment, le récit de l'épopée. Notre invité aujourd'hui, l'ingénieur du son, Philippe Leduc. C'est lui qui, pour France Inter, avec l'aide de l'ingénieur Jules Marien, a réussi à créer cette liaison radio. Affaires Sensibles, une émission de France Inter, en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Adrien Cara, coordination Christophe Barrère, réalisation Coyen Nguyen. Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter. À partir d'aujourd'hui, France Inter est la station de radio la plus haute du monde. À partir d'aujourd'hui, en effet, vous allez pouvoir suivre régulièrement sur France Inter l'ascension de l'Everest. C'est une grande première puisque c'est la première fois qu'une cordée française qui est dirigée par l'ancien ministre Pierre Mazeaud s'attaque au plus haut sommet du monde, 8848 mètres. C'est aussi la première fois dans l'histoire de la radio que l'on pourra suivre en direct une telle expédition. L'ascension proprement dite commencera le 22 août et c'est au début du mois d'octobre que Pierre Mazeaud et ses camarades espèrent planter le drapeau français au sommet de l'Everest. Et c'est France Inter qui s'est assuré l'exclusivité de cette expédition grâce à un dispositif technique tout à fait exceptionnel. 24 juillet 1978, Paris. Ce matin-là, ça bouillonne dans les couloirs de la maison de la radio. Et il y a de quoi ? Sur l'antenne de France Inter, le journaliste Didier Hadès annonce le départ d'une expédition française pour l'Everest. Derrière la vitre de la régie technique, le directeur de l'information, Jean Lefebvre, observe la scène avec appréhension. Voilà plusieurs semaines, en effet, que Radio France mobilise d'importants moyens pour réaliser la première technique lors de ce voyage, pas question de se rater. C'est le chef de l'expédition, Pierre Mazeaud, qui a lui-même soumis l'idée d'impliquer la radio de service public dans son projet himalayen. À l'époque, on raconte que Jean Lefebvre a jugé l'idée un peu folle lorsqu'elle s'est présentée sur son bureau. Mais très vite, le directeur de l'information de France Inter s'est ravisé lorsqu'il a saisi la portée exceptionnelle d'une telle opération. Dans les grandes lignes, la mission consiste à effectuer la toute première liaison en direct du camp de base de l'expédition qui sera installée sur les pentes enneigées de l'Everest avec les studios de radio situés au 116 avenue du président Kennedy à Paris, ici même, là où je vous parle. L'ambition est de faire vivre quotidiennement aux auditeurs la progression des alpinistes français dans leur conquête du plus haut sommet du monde. Tout simplement, si j'ose dire, car en vérité, il s'agit d'un redoutable défi technique et Jean Lefebvre en est conscient. Une expédition excitante mais qui pose énormément de problèmes techniques car il faut installer des émetteurs qui permettent une liaison avec Paris qui se trouve à, disons, 15 000 km de l'Himalaya. Nous avons deux possibilités, des ondes courtes, donc à partir de quatre émetteurs qui sont installés au camp de base, qui déjà se situe à 5400 mètres d'altitude, et une station mobile qui émettra, nous espérons, par le satellite Symfony qui émettra directement sur la France. Alors là, dans des conditions tout à fait remarquables. Dans le cadre de cette opération Everest, France Inter enverra sur place deux reporters. Philippe Leduc, ingénieur du son, son rôle consiste à établir le précieux contact radio avec Paris, et le journaliste sportif Alain Gann. Lui réalisera l'interview des alpinistes en direct pendant l'ascension. En plus de France Inter, une équipe de télé de TF1 emmenée par le grand reporter Christian Brincourt réalisera des prises de vue tout au long du voyage. À la clé, le premier documentaire sur un périple à l'Everest avec des images lors de l'attaque du sommet. Pour concrétiser de telles ambitions, Radio France et TF1 dépensent sans compter, l'époque le permettait, et deviennent de fait les principaux sponsors de l'équipe de Pierre Mazeaud. La radio de service public signe un chèque de plus de 40 millions d'anciens francs, soit l'équivalent aujourd'hui de plus de 210 000 euros. Et sa direction technique s'offre même le luxe de commander du matériel de prise de son dernier cri, venu tout droit de Los Angeles. Au total, télé et radio réunis, ce sont deux journalistes et cinq techniciens chargés de plusieurs tonnes d'équipements qui partent affronter les vents froids et les neiges de l'Himalaya. Depuis des décennies déjà, l'Everest, colosse situé à cheval sur le Népal et le Tibet, fascine les explorateurs du monde entier. Alpiniste chevronné, après une série de tentatives infructueuses marquées par plusieurs accidents, deux hommes réussissent à se hisser sur les 8848 mètres de son sommet. Nous sommes alors en 1953. Le néo-zélandais Edmund Hillary et le sherpa népalais Tenzing Norgay réalisent une première mondiale. Depuis, les expéditions sur le toit du monde se succèdent à un rythme effréné et prennent l'allure d'une course entre nations. En cet été 1978, Suisses, Chinois, Américains, Indiens, Japonais ou encore Soviétiques ont déjà planté leur drapeau au sommet. La France, elle, pourtant parmi les nations pionnières de l'alpinisme moderne, attend toujours. Après un échec en 1971, un raté en 1974 et un drame en 1976, les cordées tricolores n'ont pour l'instant connu que les larmes sur l'Everest. Alors, 1978 brisera-t-elle cette malédiction ? En coulisses, un homme veut y croire et il s'active déjà depuis de nombreux mois pour préparer au mieux cette aventure. C'est l'ancien secrétaire d'État à la jeunesse, lui-même alpiniste, Pierre Mazeaud, désigné par le comité français comme chef de l'expédition. À quelques heures de s'envoler pour le Népal, il affiche son optimisme. Je crois pouvoir dire que nous avons mis sur le plan technique et sur le plan de la préparation, notamment du matériel, toutes les chances de nos côtés. Maintenant, on n'est jamais à l'abri, bien sûr, de circonstances externes. Il y a évidemment des dangers objectifs, des avalanches, des chutes de sérac, dangers objectifs auxquels on n'est jamais totalement à l'abri, n'est-ce pas ? Mais je pense que tout se passera bien, et d'ailleurs nous partons très confiants les uns et les autres. Je ne dis pas persuadé du succès, car on n'est jamais persuadé du succès, mais en tous les cas profondément motivé pour réussir. Problème. Pour aller au Népal et escalader les montagnes, il faut une autorisation du gouvernement népalais. Or, celle-ci est très délicate à obtenir. Pierre Mazeaud va donc ruser. Il se rapproche d'une cordée d'alpinistes ouest-allemands qui possèdent, eux, de précieux sésames pour grimper sur l'Everest. Et s'il n'est pas prévu que les deux expéditions fassent route commune, Français et Allemands se rejoindront tout de même au camp de base avant de partir chacun affronter le sommet. La France et l'Allemagne de l'Ouest, réunies dans la plus mythique des aventures, le symbole est d'autant plus fort qu'il est inédit. Aussi, lorsque l'avion d'Air France décolle de Roissy ce 24 juillet 1978, des deux côtés du Rhin, les espoirs sont grands, les attentes sont fortes. Que l'on soit fan d'alpinisme ou non, chacun se prête à rêver d'un succès. Chacun veut croire que cette année, des Français et des Allemands marcheront sur l'Everest. Mercredi 2 août, tout commence ici, à Katmandou, capitale du Népal. Dans la chaleur moite de l'été himalayen, un concert de klaxon rythme le travail de l'expédition française. Après plusieurs jours à braver les formalités, Pierre Mazeaud et ses compagnons d'aventure chargent enfin leur équipement à bord de camions. Au total, ce sont plus de 12 tonnes de matériel qui sont convoyées dans de larges malles en métal ou en bois. De longues heures de route sont nécessaires pour rejoindre la première étape du parcours, la Mossangu, village étape, situé à 750 mètres d'altitude et point de départ de la marche d'approche. Derrière les vitres du minibus qui s'échappe peu à peu de la circulation, les paysages défilent. Bientôt, les plaines verdoyantes cèdent la place aux contreforts himalayens. La végétation change, la route serpente, puis grimpe. La pluie ricoche sur le toit. Assis à côté des vitres, les membres de l'expédition observent ce spectacle grandiose. Pour la quasi-dite totalité d'entre eux, c'est la première fois qu'ils mettent les pieds ici, en Himalaya. Première fois aussi qu'ils découvrent ce climat qui va jouer avec leurs nerfs pendant de longues semaines. Parmi les alpinistes qui composent l'expédition, on reconnaît les visages de Jean Afanassievs, de Raymond Despiaux, de Nicolas Jagger, de Walter Tchekinel, de Claude Deck et, bien sûr, de leur chef, Pierre Mazaud. Tous sont très expérimentés, tous sont très motivés, déterminés à aller jusqu'au bout de cette aventure. Mais tous savent aussi qu'en haute montagne, tout peut arriver. Du côté des journalistes, on retrouve le duo de France Inter, Alain Gann et Philippe Leduc. Il y a aussi l'équipe de TF1, composée de Christian Brincourt, Jean-Claude Audin et Michel Salandre. Dans leur sacoche, les appareils d'enregistrement audio sont prêts. Les caméras sont chargées, le reportage sur l'aventure peut commencer. La nuit tombe sur le Népal lorsque le minibus arrive enfin au village de la Monsangu. Les membres de l'expédition descendent. Accueillis par les cris festifs des villageois, chacun récupère son sac. Parmi ce petit groupe d'une dizaine de personnes, on distingue un jeune homme de tout juste 25 ans. Le visage frêle et les cheveux bouclés, il s'était endormi pendant le trajet. Il contemple le panorama qui l'entoure. Eh bien lui, c'est un autre Mazaud, Jean-François, le médecin d'expédition. Au micro d'Alain Gann, il explique son rôle dans cette aventure et donne un aperçu des moyens médicaux dont il dispose. D'abord, il y a plusieurs problèmes. Il y a les interventions d'urgence en cas d'accident, de maladie grave, etc. Et on a emmené un matériel tout à fait imposant. Il y a aussi les problèmes psychologiques, puisque dans une équipe isolée comme en Terre Adélie, comme des expéditions alpines, tous les problèmes d'une équipe reviennent au médecin. On a un rôle psychologique assez important. Il faut prévoir que l'on puisse faire des interventions d'urgence assez importante, c'est-à-dire qu'on a une boîte de laparotomie pour faire des appendicectomies en urgence, ou des drainages si on ne peut pas enlever l'appendice, ce qui est possible si on a des problèmes. On a de quoi ouvrir une boîte crânienne en cas d'hématome extradural, ce qui est l'urgence numéro 1 en traumatologie crânienne. On a des fixateurs externes, des attelles gonflables, des plâtres pour immobiliser n'importe quelle fracture. C'est un hôpital de campagne. Le lendemain, 3 août, des paysans venus de toute la région se pressent à la Monsangu. On engage 300 d'entre eux comme porteurs pour acheminer les 12 tonnes de matériel nécessaire à l'expédition. On engage aussi 21 sherpas pour la marche d'altitude et l'ascension. Puis, dans le calme, cette chenille humaine avec à sa tête l'équipe française entame son périple sur les chemins de cailloux de terre du Népal. Au programme, un cheminement entre les rizières, les collines et la moyenne montagne de plus de 270 km. 5 à 7 heures de marche par jour, un effort qui doit permettre aux organismes de s'habituer progressivement à l'altitude, bref, d'être fin prêt pour l'arrivée au camp de base. Mais en pleine période de la mousson d'été, la progression est rendue difficile par la chaleur, l'humidité éreintante, épuisante. À cela s'ajoutent les nombreux pièges disséminés ici et là sur le parcours. Après les pluies diluviennes, par exemple, la terre des sentiers s'est gorgée d'eau. Par endroits, elle s'effondre ou se révèle glissante. Pour les alpinistes français, il faut redoubler d'adresse et de vigilance. Ne pas se blesser, surtout. D'ailleurs, le passage des ponts suspendus, souvent en mauvais état, est un danger potentiel, voire réel. Alors, on les contourne. À cela s'ajoute la présence de voraces compagnons de route, comme l'explique Pierre Mazaud. Alors on a des petits compagnons qui sont assez particuliers et qui ne sont pas toujours très sympathiques, ce sont les sangsues. Car effectivement, dans les chemins de cette marche d'approche, il y a énormément de feuillus, il y a des arbres, il y a des broussailles. Et les sangsues, pendant les grandes périodes d'humidité, par définition celle de la mousson, tombent des arbres et on en est couvert. Alors on est obligé d'utiliser la cigarette, c'est le seul moyen, et les non-fumeurs devront s'y mettre pour pouvoir brûler les sangsues, car... C'est une erreur que de vouloir les écarter d'un geste de la main, car à ce moment-là, on se met à saigner, on n'arrive pas à cicatriser la plaie. Tandis qu'en les brûlant avec la cigarette, le problème est réglé. Mais il y en a beaucoup. Les jours passent, la marche continue. Avec elle, le groupe fait face aux premiers ennuis de santé. Certains Français sont victimes de la grippe, d'autres se plaignent d'ampoules ou de fatigue. Jean-François, le médecin de l'équipe, est même contraint d'opérer le genou d'un porteur qui s'est blessé. L'œil rivé sur les cartes de la montagne, Pierre Mazaud, 49 ans, est le doyen de toute l'équipe. Sur ses épaules repose la réussite de l'aventure. Et dans sa tête plane aussi le douloureux souvenir de l'échec de l'ascension de 1971, ici même, sur l'Everest. Voyage durant lequel il avait dû abandonner. Pierre Mazaud le sait, le chemin est encore long avant d'espérer d'approcher le sommet. Mais le chef de l'expédition n'a pas le temps d'aller au bout de sa réflexion que soudain, l'un des Sherpas se met à crier. Un porteur de courrier est en vue. Il apporte des lettres des familles, mais surtout, surtout, le précieux document que les Français attendent avec impatience, celui qui les autorise à dépasser le camp numéro 3 et à se rendre en haut d'Everest. Alors on a des petits compagnons qui sont assez particuliers et qui ne sont pas toujours très sympathiques, ce sont les sangsues. Montre-moi s'il y a quelque chose de Dimberger. Oui, quelque chose de Dimberger, il y a des choses. Les lettres importantes. Officier de l'État, ambassade de France. Ça, c'est tout Pierre Mazot. Ça, c'est pourquoi. C'est le truc officiel. Michel, la voilà. C'est qui là, dis donc. Oh là, Michel. Odin. Alors ça, il faut qu'on se traduise. Voilà les télégrammes. Début de citation. Peut entamer ascension équipée jusqu'au sommet. Les potes, on peut aller au sommet. Oh putain, ça y est, ça y est, ça y est. Les documents de douane ont été envoyés depuis longtemps. Où c'est qu'il est, l'officier, là ? Capitaine ! We have... We can... Sommet, Tiffel, von Everest ! Oh ! Oh putain ! Dis donc, ça y est, allez, allez, on n'attend plus, dis donc. Oh bah ça, c'est la meilleure nouvelle. Et... Ouais, c'est bon. Ouais. Bravo, bravo, bravo, hein, Tiffel, Sommet ! Tiffel, Sommet ! Oh, very good, mon officier ! Tu me suis important que le courrier. Jeudi 17 août, dans la lumière bleue et froide du petit matin, Mazot et ses 12 compagnons d'aventure se réveillent cette fois à Tungbosch, à plus de 3800 mètres d'altitude. Point de passage obligé pour les Sherpas, le monastère du village est un haut lieu du bouddhisme. Au cours d'une cérémonie improvisée, les Sherpas se prosternent face à la statue de l'éveillé. Ils prient et demandent à ce qu'ils protègent l'expédition. Voilà presque 2 semaines que l'équipe est française pour l'Everest sillonne les vallées himalayennes. Les Allemands sont beaucoup plus loin derrière. À mesure que l'on gagne en altitude, les températures baissent, c'est connu, l'air devient plus frais et respirable. Oui, mais l'humidité, elle, est toujours là. Elle rend les nuits difficiles sous la tente. Elle imprègne les vêtements. Enfin, elle use les organismes en journée. Pour transporter l'impressionnante cargaison de matériel, on réquisitionne des yaks, seuls animaux capables de vivre à très haute altitude. Ensuite, la cordée repart. Ce jour-là, les Français franchissent la barre des 4000 mètres, puis atteignent sans peine les 4500 mètres d'altitude. À ce moment précis, la température change. Avec le vent, le froid se fait sentir. La montagne reprend ses droits. Oui, mais la magie opère. Après avoir passé un col, Pierre Mazot aperçoit enfin la vallée de Khumbu, celle qu'on surnomme aussi la vallée des géants. Et puis là-bas, au loin, se dressent les pentes vertigineuses du Nuptse, du Lhotse et bien sûr de l'Everest, des sommets qui tutoient les 8000 mètres d'altitude. Jeudi 24 août. Après une marche d'approche longue de 3 semaines, l'expédition française atteint enfin le camp de base. Le caméraman autrichien Kurt Dimberger rejoint le groupe des Français. Cette fois, l'équipe de Pierre Mazot est au complet. On installe un campement provisoire à 5400 mètres d'altitude face à la gigantesque cascade de glace. Ensuite, on déballe une à une les malles. Tentes de bivouac, vêtements de haute montagne prévus pour résister à une température de moins 50 degrés, nourriture en conserve, équipement d'alpinisme, tout cela sort enfin des caisses. On déploie les groupes électrogènes pour alimenter le camp en énergie. Dans ce désert de solitude, chaque élément est réparti avec minutie, car en cas de coup dur, tout sera nécessaire et si précieux. Walter Tchekinel et Claude Deck supervisent l'ensemble des opérations. De leur côté, Pierre Mazot, Nicolas Jäger, Jean Afanasiès et Kurt Dimberger réalisent les premiers tests des masques à oxygène en conditions réelles. Ensuite, les alpinistes partent en reconnaissance pour baliser un passage sur la cascade. Depuis sa tente, le médecin de l'équipe Jean-François Mazot les observe à la jumelle. L'équipe de TF1, elle, est dans son rôle, elle tourne les images. Non loin de là, Alain Gann et Philippe Leduc installent la tente radio sur le glacier. Ils hissent 4 mâts de 11 mètres chacun sur lesquels sont montées les antennes d'émission et de réception. Première tentative, premier échec. Le signal n'atteint pas sa cible. Alors, on change l'orientation des antennes, on modifie quelques réglages, une fois, deux fois, trois fois, mais toujours rien. Il faut à nos hommes plusieurs jours d'efforts pour qu'enfin, le 1er septembre, ils réussissent à entrer en contact avec Paris. Radio France, camp de base, cette émission est destinée au réglage de votre récepteur. Camp de base pour Paris, camp de base pour Paris, camp de base pour Paris, camp de base pour Paris, à toi Gilbert. Je pense dans 5 minutes à toi. Ok, tu dis qu'il y a une commutation Radio France sur TF1 actuellement, si je comprends bien. Il y a, comment dirais-je, il paye pas du studio 61, il connaît que j'ai aussi ça. Ok, d'accord. Au terme d'un voyage de plus de 93 000 km sur les ondes, via le relais d'un navire marchand en mer Méditerranée et d'une antenne basée à Saint-Denis-la-Réunion, le pari technique semble être en passe d'être réussi. Bien, maintenant, il faut que la liaison tienne. Mais l'expédition n'a pas le temps de se réjouir, que derrière elle, un grondement sourd et profond fait vibrer la montagne. Au loin, on aperçoit une longue traînée blanche. Elle dévale les pentes, aucun doute, c'est une avalanche. En toile de fond, se dressent les couloirs de neige, de glace et de pierre du plus haut sommet du monde, l'Everest, un colosse immaculé que seule une poignée d'alpinistes a déjà conquis. Come, take my hand, let's undo the knots of the past. The night where phantoms toss and turn, go further, deeper as the day is closing. Soft and fragile, there is grace in the dead of silence. As we dream, gentle hands are shaping further, higher as the new day enters. Watch the mind run far away, way ahead of us, and everything that will be and was. Yeah. Des nouvelles de l'expédition dans l'Everest dirigée par Pierre Mazaud. Alain Gann, qui participe, vous le savez, pour France Inter à cette tentative d'ascension du plus haut sommet du monde en compagnie d'une équipe de TF1, a pu nous joindre quelques minutes ce matin pour nous signaler qu'à la fin du mois d'août, le camp de base avait été installé à 4350 mètres. Et puis il y a quelques jours, après avoir franchi la première grosse difficulté de cette expédition, une véritable cascade de glace, le camp numéro 1 a pu être installé à 6100 mètres d'altitude. Tout le travail consiste maintenant à ouvrir la route du camp numéro 2, qui sera sans doute équipé dans une dizaine de jours. Notre reporter Alain Gann nous a enfin précisé que l'ascension proprement dite de l'Everest devrait avoir lieu entre le 27 septembre et le 2 octobre, un événement que vous pourrez vivre en direct sur France Inter grâce à une liaison par satellite. Début septembre 78, plus d'un mois après avoir quitté Paris, l'expédition française progresse sur les pentes de l'Everest, le plus haut sommet du monde. Pour mettre toutes les chances de son côté, Pierre Mazaud décide d'emprunter la voie qui passe par le col sud, la même que celle utilisée par Hilary et Norlier lors de leur expédition victorieuse en 1953. Avec panache, les alpinistes bravent la première difficulté de l'ascension, l'icefall, comprenez, la cascade de glace, une zone très technique qui regorge de crevasses et de séracs. Derrière eux, les Sherpas suivent et portent sur leur dos le matériel technique, oxygène, abri, nourriture, qui sera déposé plus haut. Même bas, leur chef porte le statut honorifique de tigre. Il a déjà atteint plusieurs fois les 8000 mètres. Il est le mieux placé pour savoir qu'à cette altitude, le danger est réel. Chaque pas peut se révéler fatal. Alors, l'expédition s'encorde, par sécurité, et chacun avance à allure modérée. De leur côté, les Allemands sont toujours au camp de base et préparent leur équipement. Devant, Nicolas Jäger, Pierre Mazaud, Jean Afanassieff et Kurt Limberger tracent la route. Une fois le camp 1 établi à 6100 mètres au pied de la Grande Combe Ouest, deux d'entre eux partent avec des Sherpas établir le camp 2. Seul contact de nos alpinistes avec le monde extérieur, la fameuse liaison avec le camp de base par Tokiwoki trois fois par jour, dans la tente radio. France Inter, bien sûr, enregistre les conversations. Allô, ici, camp de base, appel équipe de pointe dans cascade de glace. Allô, oui, qui est Raymond ? Bonjour Raymond, ici Christian au camp de base. Comment se déroule la progression ? Vous êtes assez haut maintenant dans la cascade. Oui, on est assez haut, on n'est pas très loin du sommet de l'Icefall maintenant. On a eu un petit problème avec les Sherpas qui ne voulaient pas continuer parce qu'ils estimaient que le haut de la cascade de glace était insuffisamment équipé. Quel est le moral et quelle est la condition physique des alpinistes? Le moral est bon et la condition physique a l'air bonne aussi. Je crois que à peu près tout le monde commence à être acclimaté à l'altitude du sommet de l'Icefall. Bonne chance, on reprend une vacation dans une heure à peu près. Merci et à bientôt. Bonne chance. Dans la Grande Combe Ouest, les Français progressent en t-shirt, figurez-vous. Car ici, dans la journée, à cause de la réverbération du soleil sur la glace, la température dépasse les 40 degrés. Les pentes se transforment alors en véritables fournaises où l'air sec brûle la peau et la gorge. Le travail des hommes est exténuant et pourtant, il faut continuer. Dès que le soleil disparaît, en revanche, chacun enfile sa salopette thermique pour résister aux assauts du vent et faire face à des rafales qui atteignent les moins 30 degrés. Ça fait quand même une amplitude entre le jour et la nuit de 70 degrés. De toute façon, vivre plusieurs semaines au-dessus de 5-8 mètres d'altitude représente un danger pour la santé. Alors, afin d'éviter les œdèmes pulmonaires ou cérébraux, le médecin de l'équipe Jean-François Mazaud donne des consignes très strictes aux alpinistes. Redescendre, se reposer au camp inférieur pour gagner en oxygène, se protéger le visage avec un foulard. Jeudi 21 septembre. L'expédition est désormais au camp numéro 3, et là, à plus de 7000 mètres d'altitude. Dans sa tente, Pierre Mazaud échange avec le chef des Sherpas sur la suite de l'ascension. Il est soucieux. Depuis plusieurs jours, la météo se dégrade. D'épais nuages masquent l'horizon. Mazaud craint qu'ils annoncent l'arrivée de la mousson d'hiver et des grands vents venus du Tibet. Ce n'est pas la première fois que Pierre Mazaud se retrouve dans une situation délicate sur l'Everest. Quelques jours plus tôt, face à Christian Brincourt de TF1, il s'était confié sur la notion de risque en haute montagne. Hunt, qui dirigeait l'expédition d'Hilary en 53, a dit et a écrit « Supprimez le danger et vous privez l'alpiniste de son plaisir ». Enfin, il est certain que dans l'alpinisme, le risque est une des motivations les plus profondes. Et c'est un risque un peu particulier parce qu'il s'agit de sa propre vie, n'est-ce pas? Et il est vrai que s'il n'y avait pas cet élément, l'alpiniste ne serait pas ce qu'il est. Où commence le risque, Pierre? Le risque dépend d'abord de soi-même, n'est-ce pas? On prend ses propres risques, on connaît sa limite, pas toujours hélas, puisque des fois on les dépasse et on risque de se tuer. Estimes-tu, Pierre, que un sommet, l'Everest, vaut le sacrifice d'une vie? Je le pense profondément, sinon je ne ferai pas de montagne. Mardi 10 octobre, la neige tombe sans discontinuer sur l'Himalaya. Au camp de base, on sort les pelles et on s'active pour retirer plus de 50 cm accumulés sur les tentes et sur le matériel. Plus haut, les alpinistes se retrouvent bloqués dans les camps avancés. Impossible pour eux de progresser dans de telles conditions. Le risque d'avalanche est bien trop grand. Les Français sont même contraints de laisser leurs affaires au camp avancé et de redescendre se protéger au camp numéro 2. Alors une longue attente commence, et avec elle, le doute s'installe. Le vent violent, le relief brouille les ondes du talkie-walkie. Pendant 48 heures, l'équipe au camp de base n'a aucune nouvelle de la cordée de Pierre Mazeaud partie en reconnaissance vers le col sud. L'inquiétude se lit sur le visage. On imagine le pire. Lorsque soudain, le chef de l'expédition réapparaît sur les ondes et il va bien. Ouf. Dans la tente radio, c'est le soulagement. Alpiniste Claude Beck en profite pour faire un point sur la situation. Bon, alors la première cordée est bloquée au camp 3. Ils ont un mètre de neige. Là, la situation est très critique puisqu'ils sont dans les pentes du Lhotse, c'est très avalancheux. Bon, ils sont donc 8 dans 4 tentes. Est-ce qu'ils risquent quelque chose? Oui, ils sont très exposés, ils le savent. Par les avalanches? Par le danger d'avalanche, oui. On peut avoir de grosses avalanches qui... les tentes sont protégées par des petits séracs, mais une grosse avalanche passerait par-dessus et emporterait tout. A priori, on se dirige plutôt vers un échec que vers un succès. Oh, non. On a une période de mauvais temps. C'est un queue de mousson. On a une prévision météo de 2 jours de mauvais temps avec neige. Il faut attendre, il faut patienter. Vendredi 13 octobre, 5h du matin. La mousson d'hiver et ses tonnes de neige recouvrent le camp 2 à 6100 mètres d'altitude. Les jours passent et le mauvais temps persiste. Pierre Mazeaud s'est fixé jusqu'au 15 octobre pour tenter l'ascension. Après cette date, le groupe risque de manquer de vivres et d'oxygène. Sous la tente, chaque alpiniste français mesure la volonté et le courage du chef de l'expédition. À 49 ans, Mazeaud refuse d'abandonner, il veut aller au bout. Il est bientôt rejoint par les membres de l'expédition allemande. Avec Kurt Lindberger, ils décident de partir en pleine tempête avec leur bouteille d'oxygène. Leur objectif est de passer du camp 2 directement au camp 5, situé à plus de 8000 mètres. Une fois en haut, si le vent se calme, ils lanceront l'assaut sur le sommet dès le lendemain. Sur le chemin de leur ascension, ils affrontent des bourrasques d'une violence inouïe. Les Sherpas ont peur, ils refusent d'avancer. On propose alors de tripler leur salaire, mais rien n'y fait. Deux d'entre eux redescendent. Après plusieurs heures de marche, au bout de leurs forces, Mazeaud et ses camarades réussissent à monter au col sud à plus de 8000 mètres. Ils se réfugient dans une tente montée par l'expédition allemande. Et une nuit d'angoisse commence. Pour que la tente ne s'envole pas, les alpinistes doivent se tenir assis. Le froid, moins 35 degrés, et la peur vont les maintenir réveillés jusqu'au petit matin. Le lendemain, le beau temps est de retour sur l'Everest. Le vent ne souffle plus, le froid durcit la neige et réduit le risque d'avalanche. Pierre Mazeaud et Kurt Lindberger prennent 2 bouteilles d'oxygène de 6 kilos chacune. Ils les déposent à 8500 mètres d'altitude. Puis ils redescendent se protéger au col sud dans l'attente de l'autre cordée, celle de Nicolas Jäger et Jean Afanassieff. Les Allemands, eux, poursuivent leur ascension et atteignent le sommet à 17h40. Dimanche 15 octobre 1978, il est 6h du matin, lorsque nos alpinistes quittent leur abri de fortune et se lancent à leur tour à l'assaut du sommet. Au loin, on aperçoit les premiers rayons du soleil. Derrière se dessine un ciel bleu étincelant. Malgré leur souffrance, malgré leur fatigue, Mazeaud, Lindberger, Jäger et Afanassieff jettent leur dernière force dans l'ultime ascension. Les pieds dans la neige, le visage sous un soleil brûlant, les mains noires, les lèvres gercées, ils progressent, pas à pas. Chaque mètre qui les sépare du sommet est une terrible épreuve, une véritable bataille. En bas, au camp de base, le reste de l'expédition se presse sous la tente radio. La tension est à son maximum. Les informations arrivent au compte-gouttes. Les heures défilent. Lorsqu'enfin, à 13h40, Jean Afanassiev prend le talkie-walkie pour appeler le camp de base. Cette fois, ça y est, les Français sont au sommet. Et en direct, sur France Inter, les auditeurs assistent eux aussi à ce moment historique. Équipe, détresse 78, est au sommet de la bosse. On est au sommet. 46 mètres. Me recevez-vous à vous? Ici Canbaz, ici Canbaz. Bravo Jean. Bravo Jean, bravo. Bravo Nicolas, bravo. Canbaz appelle sommet, Canbaz appelle sommet, Canbaz appelle sommet. Je te reçois 4 sur 5. Comment me reçois-tu à toi? Je te reçois 4 sur 5 également, Jean. Comment vas-tu au sommet? Comment vas-tu? Fantastique. On a enlevé les masques. Bref, le pied, à la fois le pied, et le pied sur toi du monde. Après 66 jours d'aventure, Pierre Mazeaud accroche enfin le drapeau bleu-blanc-rouge sur son piolet et le brandit à 8848 mètres d'altitude. L'opération Everest 78 est un succès. La France a mis le pied sur le plus haut sommet du monde. Avenue du président Kennedy, à Paris, siège de Radio France, la joie est aussi immense. La victoire technique, elle, est totale. Avec cette expédition sur l'Everest, la radio de service public s'offre une première mondiale et justifie son slogan valoré de toujours « Écoutez la différence ». Take a life! Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, Everest, 78 des Français sur le toit du monde. Notre invité, Philippe Leduc. Bonjour Philippe. Bonjour. Alors d'habitude, les invités ne mettent pas le casque, parce que c'est bizarre de s'entendre, puis ça décoiffe. Là, nous avons un professionnel qui a mis son casque par réflexe, donc ingénieur du son à France Inter, cher Philippe Leduc. Vous avez accompagné l'expédition à l'Everest, et c'est avec votre aide et votre expertise technique qu'on a réussi à créer la liaison radio depuis l'Himalaya, et avec l'appui aussi de l'ingénieur Jules Maria. On se connaît depuis longtemps, Philippe. Bon, je précise, c'était quand même après la guerre, maintenant. Et, moi aussi. Voilà. Et quand vous écoutez, ce reportage qu'on vient de diffuser, ce récit émaillé d'archives, on vous entend d'ailleurs. Qu'est-ce que vous avez ressenti? Vous aviez déjà réécouté des bandes son datant de cette aventure? Non, j'avais vu le film, parce que TF1 avait fait un film d'une heure trente, je crois, c'est ça. Et là, c'est la première fois que je réécoute tout ça, et c'est un peu émouvant, je veux dire, 40 ans après. C'est... J'imagine. Et quand vous y pensez, sans pour autant l'écouter, quelles sont les images qui vous reviennent immédiatement en tête, des images peut-être plus fortes que d'autres, qui correspondent à des moments plus forts que d'autres? C'est le paysage, en fait, quand on arrive sur le camp de base, donc à 5004, contrairement à ce qu'on a dit. Et là, on a devant nous la Lax Falls, qui c'est immense, c'est... La cascade de glace, ouais. c'est des immeubles, c'est la tour Eiffel en 1000 morceaux, enfin c'est étonnant. Et puis d'un côté vous avez une montagne qui fait 8000 mètres, l'autre Nanga Parbat derrière vous, vous êtes entouré que de montagnes. Et nous on est installés sur des blocs de rochers, sur des blocs de blocs, et ça bouge tout le temps en fait. Mais vous connaissiez la montagne, vous vous êtes préparé physiquement, comment on se prépare? Alors physiquement j'étais au point parce que j'étais joueur de tennis, enfin j'étais deuxième série donc ça fonctionnait un peu quand même. Ah ouais, ouais. Et sinon la seule montagne que j'ai faite en fait c'était quand j'étais scout tout simplement, donc c'était, non je connaissais pas en fait. Donc il y a eu une consultation dans mon service et puis j'étais choisi et puis... Je me suis toujours posé la question pourquoi j'ai été choisi. Je devais être célibataire peut-être à l'époque et comme il ne voulait pas prendre de risques. Je ne savais pas qu'on avait un Roger Federer dans le couloir de France Inter, je le sais maintenant. Alors l'état d'esprit à Radio France, c'était quoi? Parce qu'on voit bien ici, quand on fait des opérations spéciales, très souvent on se sent tous, c'est vrai, on se sent tous concernés, on a envie que ça marche, ouais. l'aventure devient collective, c'était la même chose? Non, pas tout à fait, c'est-à-dire qu'on a un peu pataugé. Bon, on m'a dit que je faisais l'expé au mois de décembre 77. Et en fait, on a vraiment pris conscience à peu près au mois de mai 78, c'est-à-dire 2 mois avant le départ. Et ça, je peux rendre hommage, c'était grâce à l'ingénieur Rocky Cioli, qui était l'ingénieur en chef de Radio France, qui s'est occupé un peu de tout ça. Mais sinon, même la production, enfin, les journaux, on avait fait des images, des photos, et tout le monde se disait « ça va pas fonctionner », donc on fait des photos, mais on les diffuse pas. Ah oui, on n'en fait pas trop. On n'en fait pas trop. Voilà, c'est exactement ça. Et ça a marché, on l'a vu. Et ça a marché. Il y a eu le hasard que ça a fonctionné, parce qu'en fait, il y avait le commandant, qui était le capitaine Prodig, dont parle Pierre Mazot à un moment donné, le type qui supervisait un peu l'expédition. Et comme nous, on voulait faire des directs, et lui, le gouvernement népalais voulait absolument entendre les papiers, les sons, avant que ce soit diffusé à l'antenne pour la France. Et donc, vous en avez parlé tout à l'heure, les liaisons, c'était de la BLU, hein, c'était radio amateur. Hein. D'ailleurs, il a fallu que je passe un diplôme de radio amateur pour pouvoir exploiter, sinon je n'avais pas le droit. Enfin bref, c'est étonnant. C'est comme ça. Un comble. C'était un comble. Enfin bon, c'est l'administration, c'est comme ça. Ça n'a pas changé beaucoup. Et donc, ça ne fonctionnait pas très bien. Donc, effectivement, on a eu affaire avec Jules Marien, avec une station satellite qui était basée à Katmandou. Et... ça marchait pas bien. Et de guerre lasse, un jour, je m'amuse à faire du morse, parce qu'on n'avait pas réussi encore à faire une liaison, camp de base de l'Everest, Katmandou. C'était la solution, la meilleure des solutions, en fait. Et ensuite, à Katmandou, ça prenait relais par un satellite, enfin bref, sur la France. Et moi, l'après-midi, parce qu'on se faisait un peu chier, parfois, on avait que ça à foutre, en fait. Et je m'amuse à faire du morse sur la fréquence, sur une des fréquences, le radio amateur, que j'avais pas le droit, d'ailleurs, c'est interdit par la loi, enfin ça, c'est autre chose. Et tout d'un coup, en morse, et j'entends, hop, quelqu'un qui me répond. Et c'était Jules Marien, l'ingénieur de la Belle Téléphone qui était à Katmandou. Et grâce à ça, en fait, on a pu établir une liaison, en fait, camp de base Katmandou, et ensuite Katmandou via satellite à Paris. Et c'est grâce à ça qu'on a pu avoir l'autorisation, entre guillemets, de pouvoir émettre grâce à... sinon on n'avait pas le droit. Et vous avez pris un hélicoptère pour repartir à Katmandou pour installer, hein? Alors oui, donc comme Jules Marien était l'ingénieur, bel téléphone, enfin c'est un bon calibre quand même, parce que faut savoir qu'à l'époque les stations satellites, c'était, on faisait que du téléphone. Oui. Ça pesait 1,6 tonnes. Oui. Et la parabole faisait 6 mètres de diamètre et tout ça c'était en métal. C'est-à-dire que on avait notre CAP de mécano pour installer tout ça en fait. Et je sais plus ce que je voulais dire. Donc il est redescendu lui du camp de base sur Katmandou. Il a installé la station sur le toit de l'ambassade. Mmh. Et ensuite moi je l'ai rejoint parce qu'il fallait un coup de main en fait. Donc j'ai pris un hélicoptère, je suis redescendu à Katmandou et ensuite je suis remonté au camp de base en hélicoptère. D'ailleurs, une petite anecdote, c'est que on avait des bouteilles d'oxygène puisqu'on atteignait les 8000, enfin bref. Et je me suis aperçu quand je suis arrivé au camp de base qu'en fait ma bouteille d'oxygène était vide, c'est-à-dire que j'avais jamais eu d'oxygène. Vous avez respiré naturellement? Cette altitude. Bah, ça c'est le hasard. Si j'avais su, peut-être que j'aurais pas respiré naturellement. Probable. Et les déplacements, j'y pense au passage, les déplacements à pied à partir de... Parce que vous êtes monté jusqu'à quelle altitude? Alors moi je suis monté jusqu'à 6100. 6100. Ouais. Comment ça se passe quand on marche à 6100? Alors, ouais. Qu'est-ce qui se passe physiquement? Alors ce qui se passe, c'est quand vous marchez 10 mètres, vous avez l'impression de marcher 100 mètres. Ouais, essoufflé au possible. Bien sûr. D'une part, vous êtes amaigri puisque vous perdez des calories. Moi, j'ai perdu 17 kilos dans l'expédition, donc c'est taille mannequin un peu, c'est pas mal. C'est épouvantable. Le moindre effort, vous êtes fatigué, quoi. Enfin, vous êtes pas fatigué, essoufflé. En fait. Et puis, effectivement, les différences de température, plus 30, plus 40 le jour, plus 30, moins 40 la nuit. Ça fait 70. Ça peut faire 70, 80. Et ça, comment c'est... le corps humain affronte ça? Je sais pas, comme ça, enfin bon. Bon, vous étiez tous plutôt jeunes, Pierre Mazeaud avait 49 ans, ce qui est globalement jeune, hein, comme âge, mais pour faire ça, c'est quand même, c'est un exploit, hein, 49 ans. D'ailleurs, il était un peu contrarié parce que Christian Brincourt, qui est journaliste sur TF1, n'arrêtait pas de lui dire, oui, mais Pierre, tu es le plus vieux des alpinistes au monde. Et Pierre n'avait pas ça, il disait, moi, 49 ans, non, je suis le plus expérimenté, aurait-il dû répondre. Il avait raison, parce que bon, l'âge importe peu, en fait. Moi, j'avais 29 ans, donc voilà. Parlez-moi de Pierre Mazeaud, précisément. Quel compagnon de route, c'est qu'à le dire, était-il? Alors, c'est un type vraiment... moi, il m'a guidé un peu toute ma vie, quoi. Parce que il a une rage de vaincre. Ouais. Et il a une volonté, c'est extraordinaire. Et ça, c'est bon, il est un peu bougon, on se ressemble un peu parfois. Et c'est vraiment un type c'est un leader. C'est un leader. Il y a une aura, une autorité naturelle. Ouais. Et en même temps, respect des gens qui l'accompagnent, il peut être dur. Non, dans le cadre des expéditions, il était très respectueux, en fait, parce que, on est un peu comme sur un bateau. Je veux dire, si on commence à s'engueuler, ça ne va pas du tout. Quoi. D'ailleurs, après votre retour en France, il avait à cœur de vous remercier pour ce que vous avez fait, et on va l'écouter. Je voudrais rendre hommage à l'équipe de télévision et à l'équipe de Radio France, parce que ces deux équipes ont fait preuve d'une abnégation tout à fait exceptionnelle. 58 jours sans bouger au camp de base, c'est là une abnégation qu'il m'appartient de souligner. Et je tiens à remercier ces mêmes équipes qui donc nous ont soutenus moralement et qui, par leur travail, tant en ce qui concerne le film auquel j'associe mon camarade Kurt Dimberger, qu'en ce qui concerne la radio, nous ont permis, bien sûr, d'évoluer au plus rapidement. Et dans l'ombre de Pierre, il y avait un autre Mazeaud, Jean-François, le médecin. On l'a entendu, je trouve que cet homme parle clair, enfin c'est très clair ce qu'il dit, c'est très serein. Comment était-il, lui? Parce que c'est important que le médecin inspire confiance. Hein. C'est un mec bien, quoi. Ouais. Jean-François, moi j'aime beaucoup, d'ailleurs, un petit bonjour à Jeff. Il doit écouter, d'ailleurs. On le salue, ouais. Non, c'est un très jeune médecin. Il avait 24-25 ans. Il était déjà tout bib, c'est pas mal, quand même. Ouais. Et puis c'est un mec bien, quoi. Il n'y a rien à dire. Pendant presque un mois et demi, les alpinistes emmenés par Pierre Mazeaud, Jean Afanassiev, Nicolas Jäger, Raymond Despiaux et Kurt Dimberger vont avancer pas à pas, on l'a vu pendant le récit, pour établir les camps supérieurs les uns après les autres, avec des numéros. Comment se vivait l'attente au camp? Vous vous dites on n'avait pas grand-chose à faire. C'était quoi l'état d'esprit? Comment vous vous occupiez quand vous n'étiez pas à bidouiller vos fils? Ben moi, j'ai bidouillé pas mal parce que bon, il y avait toujours des pannes. J'avais deux groupes électrogènes que j'avais complètement démontés et qui, sur Paris, quand je suis arrivé au camp de base, il a fait que je remonte pièce par pièce. Enfin bref, donc ça me donnait du travail. Les fréquences, ça bougeait toujours, c'est normal. C'est avec la neige, le froid, le changement de température. Et sinon, ben, on s'était fait un petit mess, une petite tente où on pouvait jouer aux cartes, discuter avec les Sherpas qui rentraient de l'altitude. Puis les alpinistes, il y avait constamment des va-et-vient en fait d'alpinistes, donc on discutait, on parlait un peu de leur progression et puis la nourriture joue un très grand rôle, donc on attendait avec impatience le fameux Terence qu'on retrouve au Tibet ou au Népal. Et voilà, c'était les journées. Et puis les journées sont courtes quand même, parce que comme il fait froid, on se couchait pas trop tard. Enfin, pas trop tard, à la tombée de la nuit. Donc, il n'y a pas grand-chose à faire, quoi. Et est-ce que vous avez pensé un seul instant que Mazeaud abandonne parce que c'était dur? Est-ce que vous vous êtes dit, voilà, peut-être qu'on va pas réussir, quoi, on va rentrer non. comme ça, ou non? Alors, Pierre, non, ça se... Je savais qu'il allait jamais abandonner, Pierre. Il préférait mourir, je pense, que t'abandonner. D'ailleurs, il le dit dans son interview. Ouais. Et d'ailleurs, il y avait à ce propos une petite anecdote. C'est avant qu'on parte en expédition, on s'était retrouvé chez lui à Paris. Et on avait dit, qu'est-ce qu'on fait s'il y a un accident mortel parmi les gens d'expédition, en fait. C'est arrivé, parce que c'est la première fois qu'il n'y a pas eu de mort dans l'expédition sur l'Everest. Et comme encore, tout le monde avait dit, bon, on prévient avant les familles, mais l'expédition continuera quoi qu'il arrive. Ça. Alors, c'est pas, on a dit, la France est sur le toit du monde. Oui, enfin, ce sont des Français qui sont sur le toit du monde. Évidemment, ça fait briller la France. Et forcément, à votre retour, vous avez eu droit à un accueil triomphal et vous avez été reçu à l'Élysée par le président de l'époque, Valéry Giscard d'Estaing. Voici son discours. Cet exploit a été double. C'est d'abord, évidemment, un exploit sportif. Et à cet égard, vous avez fait preuve de trois qualités qui... suscite l'admiration, d'abord le courage, car on sait bien que c'est difficile et dans une certaine mesure s'accompagne de risques. Ensuite, l'endurance, car ce ne sont pas des performances instantanées, il a fallu s'y préparer, il a fallu poursuivre l'effort pendant toute la durée des étapes successives de l'ascension. Et puis enfin, une qualité qui est l'organisation. Ensuite, c'est un exploit sur le plan de l'information. Puisque je ne sais pas si les moyens d'information étaient jusqu'ici montés si haut. En tout cas, c'est très remarquable d'avoir pu, sur le plan de la télévision, sur le plan de la radio, associer aussi étroitement nos grands moyens à votre expédition et d'avoir permis aux Françaises et aux Français de suivre de façon pratiquement instantanée les différentes étapes de votre ascension. Le drapeau français n'a jamais flotté si haut grâce à vous. Je vous en remercie. Il est formidable, Valéry Giscard d'Estaing. On a l'impression qu'il faisait partie de l'expédition, de détails. Enfin, il avait un grand sens de la communication, ce président-là. Vous étiez à la cérémonie à l'Élysée? Oui, bien sûr. En fait, c'était très froid, parce qu'il faut se remettre un peu de l'époque. En 1976, Chirac était Premier ministre. Enfin, il avait démissionné. Ah oui, au mois d'août, il a claqué la porte. Voilà. Absolument. Pierre était ministre des Sports à l'époque. Ouais. Et en fait, entre Chirac et Giscard, c'était pas le grand amour. Ah, c'est la guerre ouverte, c'est le début de la guerre, de toute façon. Donc en fait, Pierre et Giscard, c'était pas ça. Pour vous dire que on n'a même pas eu un jus de fruits, même pas un verre d'eau. Ah ouais. Oui, on était alignés dans un salon. C'était le salon des médailles, je crois, si j'ai bonne mémoire. Une poignée de main, une petite photo sur le perron, et puis basta, on retourne à la maison. On retourne à la maison après cette grande aventure. Je vous remercie, Philippe Leduc, de nous l'avoir fait partager, d'avoir confié vos souvenirs. J'étais heureux de pouvoir vous faire entendre, dans votre casque, des fragments de cette aventure que vous avez vécue, puisque vous y avez participé. Merci, Philippe. Au revoir.